Ah! Yeah, Vince, Sis, époque de Chétan et Tchouté Dan, sans état d'âme, sans doute et viennent te canne, ça crame comme again. Époque de Chétan, de Tchouté Dan, sans état d'âme, sans doute et viennent te canne, ça crame comme again. Dans le game où ça se gâte, y'a plus taf pour la maille, les mecs se mettent des paf pour la caille, joue les Kaira. Moi, je ne joue pas, et ça me suce comme Choupa Choups. Oups, faut pas que je laisse traîner mon sgeg. C'est des ouf, région d'aide. 5-7 personnes qui t'aident. Plutôt une cargaison de connards pour t'écraser. Pour le dollar ou pour le délire, les âmes se sont encrassées en période de crise dans le biz. 70% ont connu la prison ou sont aux prises avec la justice. C'est juste un monde de merde sur lequel je marche et je glisse. T'as vite fait toucher le fond, et ceux qui t'observent t'insultent de con. Non mais sans deck, de quoi je me mêle mec. J'ai assez de mal avec moi-même pour m'occuper des fautes des autres. Dieu seul juge l'attitude vôtre. Les gens glissent dans l'égoïsme, le vice et l'argent. Le temps plisse les visages, sinon y'a peu de changement. Rien ne pollue dans cette rue qui tourne en rond. Les gens se tuent, se marchent dessus comme des cons. Les gens glissent dans l'égoïsme, le vice et l'argent. Le temps plisse les visages, sinon y'a peu de changement. Rien n'évolue dans cette rue qui tourne en rond. Les gens se tuent, se marchent dessus comme des cons. Et tu te demandes pourquoi j'emmerde le monde. Pourquoi je pète à la menthe à chaque seconde de ma zig, tu bandes sur mon hein. Les gens glissent dans l'égoïsme, le vice et l'argent. Les temps plissent les visages, sinon y'a peu de changement. Rien n'évolue dans ce truc qui tourne en rond. Les gens se tuent, se marchent dessus comme des cons. If I work for free, I'm not thinking of slave. Music is my drug, but I ain't a fuck. And I fuck the fake dogs. Sometimes I hope we can have rip up from the top of my game to the end of my name. Life and death of a badass, doing the best for success. Suckers want me to lose, to cry. What the hell with my hope? We put it down, fake and fight. Can't manage doing damage. We've got sewage, come on my bridge. Between poor and rich, we are all human, but so different. You mean van, us, rap US in my car, no stress. When I go fast, straight to the hardcore neighborhood, Thionville has nothing with Hollywood. People in a bad mood, don't dance on groove. When I come, we leave home, hunting by the cops. We selling dope, dope. Les gens glissent dans l'égoïsme, le vice et l'argent. Le temps plisse les visages, sinon y'a plus de changement. Rien n'évolue dans ces trucs qui tournent en rond. Les gens se tuent, se marchent dessus.